Ce matin, j'ai poussé la porte de la cage. J'y suis entré. Deux mâts, une grotte, un bocage meublent cette prison où frissonne un jet d'eau. Et l'hiver, on la couvre avec un grand rideau. Le pauvre oiseau, voyant entrer ce géant sombre, a pris la fuite en haut, puis en bas, cherchant l'ombre dans une anxiété d'inexprimable horreur. L'effroi du faible est plein d'impuissante fureur. Il voletait devant ma main épouvantable. Je suis, pour le saisir, monté sur une table. Alors, terrifié, vaincu, jetant des cris, il est allé tomber dans un coin. Je l'ai pris. Contre le monstre immense, hélas, que peut l'atome? À quoi bon résister quand l'énorme fantôme vous tient, captif hagard, fragile et désarmé? Il était dans mes doigts, inerte, l'œil fermé, le bec ouvert, laissant pendre son cou débile, l'aile morte, muet, sans regard, immobile, et je sentais bondir son petit cœur tremblant.